pas, je perds mes repères. Je veux juste que tu me fasses exister, mamie. Dans ton monde, que je puisse pénétrer, mamie. Comme un aimant, je suis attiré vers toi. Bébé, est-ce que tu sens? Je suis dans tous mes états. Je veux juste que tu puisses t'exciter, papy. Dans ton corps, sentir la chaleur monter, papy. Accorde-moi, accorde-moi. Sentir ta chaleur, ton parfum vanille. Je veux que tu me rendes mamie, mamie, mamie. Que tu m'éblouisses mamie, mamie, mamie. Laisse-moi te guider dans mon univers. Laisse-moi t'initier pour tes idées claires. Je veux que tu me rendes papi, papi, papi. Que tu m'éblouisses papi, papi, papi. Montre-moi jusqu'où on va, baby, quelles sont tes limites. Je veux que tu me donnes tout jusqu'au bout de la nuit. Ce soir, je serai à toi, fais de moi ce que tu veux. Je veux que tu me donnes tout, je vais te rendre le vieux. Jump, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Jump, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Bouge, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Bouge, papi, papi, papi, dans la belle baby. Baby, baby.